Parabole, de poème, par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org, par Camisole. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Parabole. Parmi l'étang d'or sombre et les nénuphars blancs, un vol passant de hérons lents laisse tomber des ombres. Elle s'ouvre et se ferme sur l'eau, toute grande, comme des mantes, et le passage des oiseaux, là-haut, s'indéfinise, elle ramante. Un pêcheur grave et théorique tend vers elle son filet clair, ne voyant pas qu'elle batte dans l'air les larges ailes chimériques, ni que ce qu'il guette, le jour, la nuit, pour le serrer en des mailles d'ennui, en bas, dans les vases, au fond d'un trou, passe dans la lumière, insaisissable et fou. Fin de Parabole.